DJ de réel. I let it flow and always take it slow. I see vision run across my eyes and realize it's nothing but a rhyme disguise. I make myself moving on and grooving, keep cruising on. Picture yourself in the prism, that's the rhythm, as I keep the rhymes going on. And keep up if you wanna be strong. Yeah, come on. Yeah, come on. Keep acting out, act up, free what you see and believe. A man's strength is in his limp. What you really wanna feel? What I feel trapped inside the real. But I gotta keep running and keep running. Now I feel it coming. But I gotta keep running and keep running. Now I feel it coming. I can feel it coming. It's coming after me. It's trapping my soul and it won't let me free. I can see it in the night in the vision of light. Oh, what could it be coming after me? Come on, I can feel it coming. It's coming after me. It's trapping my soul. Come on, and it won't let me free. I can see it in the night in the vision of light. Games and change your frame. Hey yo, what's your name? There's strange things standing around us, and it's something that I can't discuss. Now hush, now follow and swallow everything that I mention. Stay in play and pay close attention. People deny inside and then up as lies. Realize decision is like precision. Hold you in my arm and feel no harm. What I say is crystal clear. Where you run is certain fear. DJ Duriel. I can feel it coming. It's coming after me. It's trapping my soul and it won't let me free. I can see it in the night, in the vision of light. Oh, what could it be coming after me? Come on, I can feel it coming. It's coming after me. It's trapping my soul.

toi, grosse main bleue, nombré comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilel, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais, c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Gido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer Fedar, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout à Ti. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien. Des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au couscous de Yema. Et mon cousin me dit Karim, kiff le zetla. Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit moi je t'ai pas vu fait télévision. Et l'autre me demande Sahat Alaf Michael Jackson. Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et Dieu la taille. Pour d'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. J'ai 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité. Ardeya, content de revoir mes potos et ma chèba. Pendant deux semaines j'ai mangé que de la charba. J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon trois quarts alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bah, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Je crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi? DJ de réel. C'est show business et le fric se prend pour Dieu. Moi je suis riche en millions d'étoiles que le ciel a posé dans tes yeux. C'est ta berceuse, ma chanson le soir, je me confesse. J'ai emprunté la mélodie dans Scarface. Enfoiré de l'ascar à mes combats, je vais donner un sens. Jusque je suis devenu un homme le jour de ta naissance. Regarde le monde, garde l'œil ouvert même dans la brume. Et sache que les serpents ont souvent les plus beaux costumes. Et que les blessures au cœur cicatrisent mal. Surtout que la haine ça peut détruire quand on la maîtrise mal. J'ai plus envie de fuir, je me suis retrouvé sauvé par l'amour de ta mère. Et ce putain de groove que la rue a approuvé. Et je trouve mon bonheur dans peu de choses quand j'ai trop morflé. J'aime voir ta gueule dans le sourire dans les bras de Morphée. Et on est comme fous dans un monde sous morphine où les fées tapinent. Et où les anges se morfondent au fou. Les trempes à nos peurs pour pas avoir l'air lâche. Et maintenant tu sais pourquoi les hommes se cachent quand ils pleurent. Dites, c'est le cœur qui cause. Et ceux qui me critiquent, dis-leur que c'est pas eux qu'on raquait le gigose. À travers ma prose, j'explique avant de partir ensemble. Que je t'aime aussi vrai que je le hais déjà mon futur gendre. Mais le sujet faut qu'on l'aborde avant que je finisse sous camisole. Je suis désolé. La vie faut que tu la mordes à plein dans la côte. Pas au-dessus de la tête, tension quand tu commenceras ton envol. Ouais. Beaucoup de mecs t'en veulent. Et tu ne sais même pas, t'as hérité de tous mes biens et de ceux qui ne m'aiment pas. Réfléchis bien avant de te lancer. Vas-y au bluff, fais gaffe aux teufs, suspecte aux keufs qui viennent t'ambiancer. Tu gagneras jamais rien à suivre le troupeau. Hein. On nous a tous trompés à en rire, aujourd'hui on est trop peu. Troque ton armure de caïd pour un cerveau qui raye toutes les merdes de drogue dure, genre cocaïne. Faut pas que tu réagisses par saison les conseils. Si à la maison je t'ai pas mis au monde, tu finis en prison. En ce qui concerne les filles, amuse-toi fils. Mais t'amuses pas à tromper celle qui un jour sera ta raison. Il faut être persévérant et pas trop perso. Tu t'apercevras qu'on est vite perdu quand on perce. C'est mieux perçu. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qu'on a beaucoup souffert avant de te mettre bien là où tu es. Ouais.

brazy. Driving Miss Daisy, hand on my strap. In my zone, mind on my money, like where that shit at? I'm all alone, that's my only hope. And be damned if I'ma chase that with some phony homes. On the real, it be the ones that say we got this. Now you ain't alone as long as I'm here. To pull out that Glock 9 and cock it. He mad you got rich, but on the low, you should've watched him. Cats conniving, head first into the livest object. That was your man, now you bout to die quick. Over some fly shit, you feel reminded of your fast life ventures and winters. Blinded to the flashlight. Yo, into. I got a funky, funky style with a funky swag. I got a funky, funky style with a funky swag. I bought the funky, funky Nikes, got the hat to match. I bought the funky, funky Nikes, got the hat to match. I got a funky, funky style with a funky swag. I got a funky, funky style with a funky swag. Exclusive. And when I kill him with the flow, ain't no coming back. And when I kill him with the flow, ain't no coming back. Back. Back. Listen, yo. Yo, I got a poor man's panache. I be stretching the cash. I'm a little passive aggressive. You can stretch when I'm mad. For the line, manic depressive. Rap is stressing me back. Got too many less than impressive rappers left in my path. Better yet, we gon' leave them left in the past. Someone's live, this time I ride, then he left in the bag. Who am I? I'm a titan, so be expecting a clash. Start to waving arms at you, you think I'm catching a cab. No question is the answer, that's if you look in the ass. Look at meth, breaking bad like he cooking meth in the lab. Still a lethal weapon, but try and bless him with math. Rappers never learn their lesson, so I ain't letting them pass. I ain't letting them brag, I ain't letting them swag. Crump swag, just being blunt while I'm plugging my ass. Y'all ain't up in my class in the building, it's ASAP meth. Quick to kill him, that's an ASAP death. Yo, I got a funky, funky style with a funky swag. I got a funky, funky style with a funky swag. I bought the funky, funky Nikes, got the hat to match. I bought the funky, funky Nikes, got the hat to match. I got a funky, funky style with a funky swag. I got a funky, funky style with a funky swag. And when I kill him with the flow, ain't no coming back. And when I kill him with the flow, ain't no coming back. Straight off the back, dog, I'm Shaq Strong, I'm breaking back bars, draped in Tommy. My bitch beside me, young guard body. I play the back of clubs, flick a foul, youngers and rowdy, fools get rowdy. Ain't nothing done, my gun from Saudi, high off the Maui. They trip you weed, rolling the Fonzie, you know the Fonto. Sissy or Guapo, I'm head honcho, I sport the poncho. Connect with Sandro, the illish I know, killing them pronto. My funky, fresh, the filthy designer, but check my rhymes though. A verse is like a time bomb, yo, haters like Sahos. I peel off in the illest style hoes, watch out for potholes. H leaning, that's why he drives slow. Nasty, I blow, the 90s ever shit in the spec. When me go, the man dem a rush me. Yes, I will for pretty boy, I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. de réel. réel. It's true.